histoire étrange, étrange conteur, ici pas d'ange, un colporteur. Histoire bizarre, bizarre hasard, la ville d'Anvers, une dentelière. Une histoire noire, noire de chez noir, de personnages sortis des âges. Une ombre sombre, ronde dans l'ombre, étrange histoire à la longue ivoire. Thank you.